Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin on entreprend le chapitre 20. Et c'est un chapitre qui a été beaucoup contesté et qui est encore contesté. L'Église a deux opinions bien différentes, peut-être plus, là, mais au moins deux opinions bien différentes sur ce texte-là. Mais nous allons commencer par la prière et ensuite ça, nous allons regarder notre texte. Notre Père du ciel, tu sais à quel point l'Église s'est, si je peux dire avec bon québécois, s'est ostinée là-dessus, s'est battue, s'est engueulée presque là-dessus. J'ai vu des églises se diviser sur ce chapitre-là. Il y a des différentes façons de penser doctrinalement parlant par rapport à ce texte-là. Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous aider à comprendre la vérité centrale et, encore une fois, assez de te voir derrière cela. De comprendre. Parce que le but, comme n'importe quel texte, c'est de te voir, toi, c'est de connaître Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus. Donc, aide-nous ce matin à te voir par ton Esprit Saint qui habite en nous. Amen. Nous avons vu la destruction dans chapitres 17 et 18, de la grande prostituée. Nous avons vu au chapitre 19 la destruction de la première bête. Et on a vu à la fin du chapitre 19 la première bête et la deuxième bête, ou le faux prophète, ou la grande prostituée, ou la grande Babylone, qui sont des synonymes, je crois, et ont été mis ces deux-là dans le feu de soufre et de mort, dans ce qu'on appelle l'enfer. Et ce matin, nous allons voir le dragon, Satan, qui va lui aussi les rejoindre. Et on va regarder ça ensemble, si vous voulez bien. On va lire chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui y s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux les saints et ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Ils sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Texte pas tellement facile à comprendre. Ce qui nous embête un peu, c'est qu'on a de la misère à saisir la raison d'être de ce passage-là. Si le texte se résumerait, il nous faudrait juste montrer que le dragon va aller rejoindre le faux prophète et la bête dans l'enfer, ben on dirait, mais c'est juste une suite dans le temps. Mais on a de la misère parce que il semble avoir une période de temps là qu'on a de la misère à comprendre. À quoi est-ce qu'elle va servir vraiment cette période de temps-là? Je vais juste vous donner deux idées. Une des idées que l'Église a depuis 2000 ans, c'est que cette période-là dont on parle ici, de ce 1000 ans-là, il parle de l'Église. Et il y a une autre partie des chrétiens qui disent que non, cette période-là de 1000 ans va arriver à la fin, après la destruction de la grande prostituée et de la bête. Et donc, il y a ces deux positions-là. Ceux qui sont que la période de 1000 ans, c'est l'Église, on nous appelle souvent les A-1000. Ceux qui disent que cette période-là, qu'on parle du 1000 ans, va avoir lieu après la résurrection des saints, on les appelle souvent des pré-1000. Pré, veut dire avant le 1000 ans. Donc, on va essayer d'oublier ces deux mots-là que je viens de vous dire. Je vous l'ai juste dit pour que vous sachiez qu'il y a différentes façons de voir ici. Mais essayons de tirer ce que nous pouvons. Je vous dis pas que j'ai toutes les réponses. Je vous dis pas que mes réponses sont les meilleures. Je crois que ce que j'essaie de faire, c'est de tirer un sujet d'encouragement pour moi, pour que je puisse persévérer. Et des vérités qui vont m'aider à emmener les gens à la repentance. Et j'essaie de voir aussi comment ça va me pousser à adorer Dieu. Je reste fidèle à mes trois idées que je vous ai dit tout au long. Parce que même si je devinerai tous les petits détails encore une fois, ça va-tu m'aider plus à persévérer? Ça va-tu m'aider plus à amener des gens à la repentance? Je crois pas. Ça va-tu m'amener plus à adorer Dieu? Je crois pas non plus. Mais regardons ce qu'il dit ici. Il y a un ange qui arrive, qui a une clé. On avait vu une clé ailleurs, un autre ange qui avait une clé, qui avait ouvert la porte, qui avait laissé sortir des démons de là, chapitre 9. Là, il y a une clé, mais la clé, c'est pour faire entrer quelqu'un dans l'abîme, et non pas laisser sortir quelqu'un de l'abîme. On a vu hier que les deux bêtes avaient été mis dans l'abîme ou dans les temps de feu et de soufre. Donc, cet ange-là, qui a une grande chaîne dans sa main, va prendre Satan, au verset 2, et il l'attache avec, et il le jette dans l'abîme, dans l'enfer. Et il ferme et il scelle l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, j'ai de la misère à voir que cette période-là est une période qui est la période de l'Église, parce que Satan a séduit les nations. S'il avait dit afin qu'il ne séduise pas les croyants, j'aurais dit OK, ça pourrait être pendant le temps de l'Église, mais il dit afin qu'il ne séduise pas les nations, et tout au long de l'Apocalypse, ce que je vois, c'est que Satan séduit les nations. Donc, je crois que c'est une période qui est à venir. Une période qui va suivre la mise dans l'abîme ou dans le feu et le soufre de la bête et du faux prophète. Donc, ça vient après. Je crois que ça va venir. Ça va durer 1000 ans. Et c'est là que on dit, mais pourquoi 1000 ans? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce 1000 ans-là? On n'a aucune idée. J'ai essayé de lire ceux qui enseignent des choses par rapport à cela. Je n'ai pas vu dans l'Ancien Testament, je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament. Les textes qu'on emploie pour démontrer, dans ma tête, c'est pas clair qu'on parle de ce temps-là. Mais il y a un temps où est-ce que Satan va être lié afin de ne pas séduire les nations. Et je me dis, mais de quelle nation parle-t-il? S'il y a eu une fin de la grande prostituée, puis il me semblerait qu'à la fin du chapitre 19, il reste plus personne. Fait que j'ai de la misère à comprendre pourquoi est-ce qu'il est empêché de séduire les nations quand les nations sont déjà marquées du sceau de la bête et qu'il n'y a plus de temps de repentance. Donc, Satan ne peut pas séduire les nations pendant cette période-là de 1000 ans. à la fin. Il va rester là, dans cette place-là, dans l'abîme, jusqu'à temps que les 1000 ans soient accomplis. Ou de ce temps-là. Si on veut croire que c'est 1000 ans de 365 jours, c'est correct. Mais il y a un temps, là. On a vu souvent que les chiffres étaient symboliques. Peut-être que celui-là aussi est symbolique. Au verset 4, c'est marqué, j'ai vu des trônes. Et il y a beaucoup de monde assis pour le jugement. Et j'ai vu les armes de ceux qui avaient été décapités. Donc, ils voient les chrétiens qui sont morts depuis toujours, je dirais, depuis tout le temps de l'Église. Ceux qui ont été décapités, ceux qui sont morts, ceux qui ont été martyrisés à cause de l'Évangile, à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ceux qui n'ont pas pris son image, ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main, revinrent à la vie. Donc, pendant cette période-là de 1000 ans, ce temps-là, du moins, il y a une chose qu'on est sûr qui va arriver. C'est la résurrection des saints. Ça va venir, il semble, au début de cette période-là de 1000 ans. Tous les croyants de tous les temps ressuscitent et vont se joindre à ceux qui sont dans le ciel pour régner avec le Christ pendant 1000 ans, en fait, du verset 4. Donc, pendant cette période de 1000 ans-là, il y a une chose qui est sûre, c'est que les chrétiens de tous les temps qui sont morts pour la foi, ceux qui sont morts il n'y a pas juste les martyrs ici, je crois que c'est tous les chrétiens qui ressuscitent et vont se joindre à Christ, c'est ce que je vois le plus proche de l'enlèvement dans l'Apocalypse. Je n'ai pas vu plus proche que ça jusqu'à date. Tous ceux qui sont morts dans la foi ressuscitent, se joignent à Christ et vont régner avec lui pendant cette période-là de 1000 ans. Les autres morts, tous ceux qui avaient pris la marque de la bête, les autres ne vont pas ressusciter tout de suite. Donc, ça, c'est la première résurrection. Et là, au verset 6, il dit « Heureux, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. » Pourquoi leur dit-il d'être heureux? C'est parce qu'ils ont part à la première résurrection, puis ils vont être avec Christ, ils vont régner avec lui. Ils vont régner avec lui. Donc, c'est ça qui rend les gens qui sont ressuscités heureux. Pourquoi il dit au verset 6, « La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc, il dit ici, « Heureux ceux qui ont gardé le témoignage de Jésus, heureux ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, et qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Ils vont régner avec Christ, et la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils vont servir Dieu pendant 1000 ans. » Pendant ce 1000 ans-là, il n'y a rien qui nous ait dit qu'est-ce qui se passe en dehors de cela. Tout ce que je sais pendant cette période-là, qu'on parle ici, c'est que je ressuscite, si je suis mort en Christ, je me joins à Christ et je règne avec Christ et je sers Dieu en tant que sacrificateur de Dieu pendant cette période-là. Quand les 1000 ans sont terminés, Satan est relâché de sa prison. Et il sortira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, il semble qu'il va y avoir une autre guerre. Satan est relâché et il séduit encore une fois toutes les nations. Et le mot Gog et Magog, là, ma compréhension, c'était des ennemis d'Israël, les ennemis du peuple de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, sous Ézéchiel et Daniel, on montre qu'Israël a la victoire sur Gog et Magog. Et ici, je crois que c'est une façon symbolique de dire que Satan rassemble les ennemis de Dieu, les ennemis d'Israël spirituels, pour faire la guerre. Mais ils n'auront pas le temps de faire la guerre. Il monte à la surface de la terre. Il monte. Qui ça, il? Ben, ceux-là, hein? Tous ces gens-là que Satan a séduits. C'est pas juste il, c'est pas juste le diable, c'est tous ceux, et ils montent, c'est comme s'ils sortent. C'est comme s'ils sortiraient de l'enfer ou du séjour des morts. Ils amènent, et c'est comme s'ils ressusciteraient. Et il veut encore prendre ces gens-là qui ont séduit et attaquer Dieu encore une fois. Mais Dieu ne les laisse pas faire. Le feu descendit du ciel et les dévora. Puis le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Ils sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc là, le diable est pris cette fois-là. Il est mis dedans, encore une fois, pour ne plus jamais ressortir. Moi, je crois que cette période-là de 1000 ans ici, et ce n'est pas un temps pour certains qui pensent que ça va être le temps où ce que des gens vont encore se convertir, puis qu'on va vivre vieux sur la terre, puis il va y avoir du monde encore qui vont se joindre au peuple de Dieu, puis finalement, les chrétiens sont encore sur la terre, puis le plus simple pour moi, c'est de croire qu'il y a une période de temps, là, qui, pour moi, peut être très symbolique. Où est-ce que les croyants vont ressusciter, vont se joindre à Christ pour régner avec lui, pour servir Dieu. Satan est relâché après cette période de temps-là et il sort de l'abîme, il sort de son monde, il vient sur la terre avec son armée de démons, d'hommes et de femmes qui ont été séduites par lui. Il vient encore pour venir attaquer Dieu et son monde à lui, Christ et son monde, mais Dieu les empêche de le faire. Satan est pris et mis dans l'enfer pour toujours. Et là, on va voir par la suite le jugement. Je crois que cette période-là ici, c'est pour la résurrection des croyants et des non-croyants. Et tous les deux, à la fin de cette période-là, vont subir le grand jugement du trône blanc qu'on appelle, qu'on va voir ensemble la prochaine fois. Donc, je fais pas un gros plat, si vous me permettez. Je veux pas ici manquer de respect à la parole de Dieu. Mais je fais pas un gros plat de la période de 1000 ans. Mais de ce qui va se passer, là. De ce que je vois dans le texte ici. Ma résurrection. Moi qui vais rejoindre Christ. Et moi qui vais être établi comme sacrificateur du Dieu très grand. Oh! Sacrificateur pour toujours de mon Père céleste, de mon Maître Christ. C'est ça qui me réjouit. Je vais faire partie de l'élite avec tous les croyants de tous les temps. Et nous aurons d'être face à face avec notre Dieu et notre Seigneur. Et on va les servir comme sacrificateurs. Mais dans cette même période-là de ma résurrection, va aussi avoir lieu la résurrection des damnés, des non-croyants, de ceux qui ont pris la marque de la bête. Dieu prend le démon, le met dans l'enfer, et ensuite de ça, il va prendre les croyants et les non-croyants, et là, va avoir lieu le jugement dernier, que nous allons voir demain. C'est très stimulant pour nous de persévérer comme cela. C'est très stimulant. Ça nous pousse à persévérer, de voir cette victoire-là que nous allons avoir sur le diable et toute son armée. C'est stimulant de savoir que je vais être avec Dieu et je vais le servir. Ça m'aide à persévérer jusqu'à la fin. C'est des moments d'attente, de joie, d'espérance que nous avons, les croyants, de finalement être dans la présence de celui que nous aimons. Et c'est très stimulant de voir que mon ennemi va mordre la poussière, que mon ennemi, qui est le diable, va être rejeté, que mon ennemi, qui est le monde, va être mis en enfer, que mon ennemi va manger de la poussière par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Je n'ai aucune puissance contre lui, mais mon Dieu est tout puissant contre lui. Et si Tu es dans le camp du diable. Si tu n'as pas gardé la foi, si tu n'as pas adhéré à la foi en Jésus-Christ, moi je dis qu'il est encore le temps, mes amis, il est encore le temps. Faites-le. Repentez-vous et croyez en Jésus. Et vous allez faire partie du peuple des vainqueurs. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de cette belle espérance que nous avons. Merci, mon Dieu, de l'espoir que nous avons de ressusciter un jour. Merci que tu nous dis dans ce texte que la seconde mort n'aura jamais de pouvoir sur nous. Ô Père éternel, utilise ces vérités, utilise cette vidéo ce matin. S'il y a des gens qui écoutent, qui ne sont pas convertis, qu'ils se convertissent et qu'ils se tournent vers toi. Seigneur, que quand nous, les enfants de Dieu, nous allons partager entre nous notre espérance, que ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas croyants, soient attirés à se convertir. Au nom de Jésus.